Oh, je connais monsieur pour en avoir beaucoup entendu parler. On vous appelle Combabus parce que vous n'aimez qu'une femme. C'est à Paris comme si l'on n'en avait pas du tout. Eh bien, s'agirait-il par hasard de votre objet, de Madame Marneffe, la femme à Crevel? Tenez, mon cher monsieur, bénissez votre sort au lieu de l'accuser. C'est une rien du tout, cette petite femme-là. Je connais ses allures. Ah bah! Dit Carabine, à qui Madame Nourrisson avait glissé dans la main une lettre en l'embrassant. Tu ne connais pas les Brésiliens. C'est des crânes qui tiennent à 100 palets par le cœur. Tant plus ils sont jaloux, tant plus ils veulent l'être. Monsieur parle de tout massacrer. Et il ne massacrera rien, parce qu'il aime. Enfin, je te ramène ici, monsieur le baron, pour lui donner les preuves de son malheur que j'ai obtenu de ce petit Steinbock. Montès était ivre. Il écoutait comme s'il ne s'agissait pas de lui-même. Carabine alla se débarrasser de son crispin en velours et lut le fac-similé du billet suivant. « Mon chat, il va ce soir dîner chez Popinot et viendra me chercher à l'opéra sur les 11 heures. Je partirai sur les 5 heures et demie et compte te trouver à notre paradis, où tu feras venir à dîner de la maison d'or. Habille-toi de manière à pouvoir me ramener à l'opéra. Nous aurons 4 heures à nous. Tu me rendras ce petit mot. Non pas que ta Valérie se défie de toi. Je te donnerai ma vie, ma fortune et mon honneur. Mais je crains les farces du hasard. Tiens, baron, voilà le poulet envoyé ce matin au comte de Steinbock. Lis l'adresse. L'original vient d'être brûlé.